Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La Cour constitutionnelle du Burundi a validé les résultats définitifs des législatives du 5 juin dernier. La nouvelle législature, qui sera composée presque exclusivement des députés du parti CNDD-FDD au pouvoir, débute le 28 juillet prochain. Trois commerçants d'Okirundo écopent de 5 ans de prison pour spéculation sur les produits Brarudi. La sentence du tribunal de grande instance a été prononcée ce jeudi dans un procès de flagrance. Et l'hôpital de troisième référence d'Ongozi est dépassé par les effectifs des mères qui accouchent à cause de la suspension de la gratuité des soins pour cette catégorie de patients et pour les enfants de moins de 5 ans à l'hôpital de Kirimba. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La Cour constitutionnelle du Burundi a validé les résultats définitifs des élections des députés tenues le 5 juin dernier. Au cours d'une séance publique de ce vendredi 20 juin, le président de cette juridiction a déclaré avoir analysé la régularité de ce scrutin sur base des documents lui transmis par la CENI, tant sur le déroulement que sur le dépouillement et l'établissement des résultats. Valentin Bagorikunda a également précisé qu'un rapport avec les affaires lui transmises concernant le contentieux électoral, la Cour a jugé que les faits allégués se sont avérés non fondés pour absence de preuves. Jean de Dieu Irakozé a assisté à la séance. Reportage. Vu le règlement intérieur du 31 août 2020 de la Cour constitutionnelle. Au siège de la Cour constitutionnelle du Burundi, l'arrêt attendu sur la régularité des résultats provisoires des élections des députés du 5 juin est tombé dans l'avant-midi de ce vendredi 20 juin 2025. Pour cette dernière, la saisine de la Commission électorale nationale indépendante et CENI est régulière et par conséquent, les élections des députés le sont également. Valentin Bagorikunda, président de cette cour. Vu le règlement intérieur du 31 août 2020 de la Cour constitutionnelle, statuant sur la requête de la CENI, après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare la saisine régulière, se déclare compétente pour statuer sur la requête, dit pour droit que les élections législatives du 5 juin 2025 se sont déroulées de façon régulière. Cela étant, des recours introduits par les formations politiques dont les responsables ayant dénoncé plusieurs irrégularités sur le déroulement de ce scrutin sont tous jugés sans fondement pour absence de preuves. Considérant que la Cour de Séan a statué sur les affaires LCCB 454, LCCB 455, LCCB 456 et LCCB 457, en rapport avec le contentieux des élections des députés du 5 juin 2025, considérant que les faits allégués par les requérants à travers les affaires ci-citées se sont avérés non fondés pour absence de preuves. Des formations politiques ayant introduit des recours sont le parti Iprona, le parti Conseil des Patriotes CDP, le Parti Congrès National pour la Liberté, CNL, et la coalition des partis politiques Burundi-Gabos. Jean de Dieu Irakoze. En réaction, le parti Prona dit ne pas être satisfait du verdict de la Cour constitutionnelle. Le président de ce parti dit que sa formation avait présenté avec espoir sa plainte pour dénoncer les irrégularités ayant émaillé les récentes élections. Mais Olivier Nkurunziza indique que l'UPRONA ne cessera de montrer sa position sur la vie nationale. Suivez-le. On vient de terminer effectivement les recours juridiques, mais l'activité politique du parti continue. On va continuer notre lutte politique, surtout à convaincre les plus hautes autorités du pays, effectivement, qu'ils comprennent que si la vie du pays continue de cette manière, que la démocratie au Burundi est opérée, comme nous l'avons déjà donné. Il faut alors qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait des actions politiques, pour qu'effectivement la démocratie soit sauvée. Sinon, l'avenir des élections au Burundi, si ça continuera de cette manière, vous voyez que le Burundi tombera dans le pays sans démocratie. Et voilà, au niveau du parti Prona, nous allons continuer nos activités politiques. Nous allons continuer. Tous les membres du parti Prona sont sur terrain. Les Burundais sont témoins de ce qui se sont passés sur terrain. On a vaincu sans nous convaincre. Nous sommes là pour convaincre les Burundais, pour leur montrer qu'effectivement, même si la Cour a décidé de cette manière, que le parti Prona n'est pas satisfait de la réponse, que la satisfaction du parti Prona sera dans l'avenir l'organisation des élections libres, transparentes, honnêtes, comme le Burundi le voulait depuis longtemps, dès le temps du prince Louis Bagasso. On s'attendait de voir que le Parlement sera à 100% du CNDD-FDD. Ce que nous demandons à ces élus, c'est de travailler pour tous les Burundais, pour élire et voter des voix, plutôt des lois qui vont aider les Burundais à se développer, à lutter contre la corruption, à restaurer la démocratie. Sinon, le parti Prona, même s'ils ne sont pas dans l'Assemblée nationale, nous sommes ici au Burundi, nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à faire nos analyses sur la vie politique, économique et sociale du pays, nous allons continuer à donner à nos positions, jusqu'à ce que, effectivement, les plus hautes autorités du pays comprennent qu'ils ont le devoir de protéger et préserver la démocratie au Burundi, que nous avons besoin des meilleures élections, non pas ce que nous avons vu dans les élections de 2025 qui étaient totalement catastrophiques. C'était le président du parti UPRONA, Olivier Nkurunziza, dont les propos ont été recueillis par Jean de Dieu. Il a causé. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La population fréquentant l'hôpital de Kirimba en province Ngozi réclame la réinstauration de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les mères qui accouchent. C'est après 6 mois de suspension de cette mesure pour violation de la convention relative par cet hôpital. L'hôpital de troisième référence d'Ngozi s'en trouve aujourd'hui dépassé par les effectifs des mères qui accouchent, d'après son directeur Guillaume Naukuriryayo. Apollinaire Monzagara. L'hôpital de Kiremba, sous convention catholique, totalise 6 mois sans accueillir les enfants de moins de 5 ans et les mères enceintes bénéficiaires de la gratuité des soins. Le directeur de cet hôpital, Abbé Pasteur Minani, indique que cet hôpital a été suspendu par le comité provincial de vérification et validation des prestations des structures de soins CPVV, même si la responsable de ce comité ne veut pas s'exprimer là-dessus. Les informations émanant de certains du personnel indiquent que cette suspension a été motivée par la violation de la convention signée entre l'hôpital Kiremba et le programme d'eau gratuite. Selon eux, l'hôpital faisait payer de l'argent à ses enfants et mères malgré la convention signée. D'où cette mesure. L'abbé Minani Pasteur parle d'énormes pertes pour cet hôpital suite à cette gratuite. Les populations qui en souffrent sont principalement, selon la population de la localité, les mères qui accouchent et qui cherchent cette gratuité à l'hôpital de troisième référence d'Ngozi, à plus de 70 km, d'où beaucoup de souffrances de ces mères et bébés, ce qui augmente la mortalité néonatale, selon Dr Guillaume Naukuriga, directeur de cet hôpital. Il parle même de lamentation du personnel de la maternité qui peine à accueillir de tels effectifs qui fréquentent cette maternité depuis cette suspension de gratuité par l'hôpital Kiremba. Les habitants de cette localité demandent au gouvernement de tout faire pour réinstaurer cette gratuité des soins. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Toujours dans les nouvelles des provinces, les passagers empruntant l'axe Bururi-Rumonge par le transport en commun se plaignent de ne constater aucun changement au prix du ticket, même en cas de disponibilité du carburant à la pompe, comme ça a été le cas cette semaine. En effet, les conducteurs de véhicules se sont approvisionnés en essence à deux stations, mais ont gardé le prix du ticket de transport de 15 000 francs burundais alors que le prix officiel est de 6 000. Ils demandent l'intervention de l'administration et la police pour décourager ces cas de spéculation. Zenon Zambuman. Les conducteurs des véhicules de type Probox assurant le transport en commun sur la route Bururi-Rumonge exigent à leurs clients le paiement d'une somme de 15 000 francs burundais de tickets de transport, cela depuis plus de 5 mois, alors que ce prix ne devrait pas dépasser 6 000 francs burundais. Ces chauffeurs expliquent que la pénurie du carburant au Burundi et la hausse des prix des pièces de rechange pour leurs véhicules sont à l'origine de cette hausse du prix du ticket de transport. Des explications jugées sans fondement par leurs clients. Certains les accusent de s'arroger le droit de se fixer eux-mêmes le prix du ticket de transport jusqu'à 15 000 francs burundais par tête pour un trajet ne dépassant pas 32 km, même en cas de disponibilité du carburant. Ils donnent l'exemple de certains de ces conducteurs de véhicules qui se sont approvisionnés en essence cette semaine à la station service du chef-lieu de la province de Bururi et à la station Taba Oil, mais personne n'a revu à la baisse le prix du ticket de transport. Il demande à l'administration et à la police de songer encore une fois à l'enregistrement des plaques des véhicules assurant le transport en commun et les noms de leurs chauffeurs qui sont servis en carburant une fois disponibles à la station pour les punir en cas de spéculation. Les autorités administratives à Bururi indiquent que ces cas de spéculation sont punis, mais le problème est que certains cas ne sont pas dénoncés. Ces autorités demandent à tout passager de dénoncer chaque fois ces cas de spéculation pour qu'ils soient punis conformément à la loi. Depuis Bururi, Zenon Zabimar pour la radio Isanganiro. 5 ans de prison et une amende d'un million de francs burundais, telle est la peine infligée par le tribunal de grande instance de Kirundo à 3 commerçants des produits Brarudi lors d'un procès de flagrance prononcé ce jeudi. Tous les 3 accusés ont nié les accusations portées contre eux et demandent d'être acquittés car ils estiment que le tribunal n'a pas de preuves attestant que les 162 caisses des boissons saisies dans leur stock étaient cachées pour être vendues à un prix élevé. Une information de notre correspondante Agnès Naumagadze. Le projet Tout en sport de l'ONG Play International, appuyé par l'Agence française de développement AFD, enregistre déjà des avancées significatives là où il est en train d'être mis en œuvre. Ceci a été dit ce vendredi par les partenaires de cette ONG au cours d'une réunion tenue à leur intention lors de la visite de la karatéka française Laurence Fischer, triple médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Amandine Pain, coordinatrice pédagogique chez Play International, indique que le projet Tout en sport fait face à plusieurs défis, mais que les actions sont en cours pour réussir le pari. Évariste Nzikobanyanga pour les détails. Les partenaires de l'ONG Play International qui mettent en œuvre le projet Tout Transport confirment que ce projet a déjà enregistré des avancées significatives car les filles ont commencé à être sensibles au sport comme les garçons, ce qui aide à éradiquer les discriminations basées sur le genre. Alexis Nyonzima, directeur du lycée Sainte-Famille de Kinama, confirme que l'ambiance a changé dans son école depuis la mise en œuvre du projet Tout Transport. Ensemble, filles et garçons, sans discrimination, sans exclusion, sans que le garçon se sente plus fort, plus intelligent. Mais dans ce cas, il se sent un besoin vers l'autre, qui est une fille, qui doit elle aussi contribuer à donner des idées, des solutions, à proposer des solutions. Et ensemble, ils trouvent des solutions pour avancer ensemble. Les dirigeants de Play International qui ont reçu en audience ce vendredi Laurence Fischer, la karatéka française triple championne des Jeux Olympiques, ont indiqué au cours d'une réunion avec les partenaires que le projet Tout Transport fait toujours face aux défis qui empêchent certaines filles à faire le sport. Cela étant, Amandine n'est pas un coordinateur pédagogique chez Play International ayant indiqué que les actions sont en cours pour la réussite du dit projet. Voilà, donc actions concrètes et également donc des partenariats avec les ambassadrices. On va mettre en place des événements justement communautaires avec des modèles féminins qui vont un peu essayer de faire changer les mentalités des communautés, des parents pour emmener de plus en plus les filles sur les terrains. On va aussi apporter une aide matérielle, donc pour ces jeunes filles, des vêtements sportifs adaptés. La radio télévision Isanganiro, l'association pour la promotion de la fille APFB, la fédération de rugby et Ultimate, ainsi que la fondation Charles Ngazanyami sont des partenaires clés de Play International dans la mise en œuvre du projet Tout en Sport sur financement de l'Agence française de développement AFD. Évariste Nzikobanyan. Le centre d'encadrement et de réinsertion des enfants en situation de rue de la zone Mouzenze en commune Michia de la province Tchankouzo héberge un effectif de 129 personnes, dont 18 femmes. Certains d'entre eux affirment avoir été arrêtés en cours de route alors qu'ils se rendaient au service et demandent d'être réintégrés dans leur famille d'origine. Nestor Ubanilgua, responsable adjoint de ce centre, rétorque qu'il y en a qui récidivent dans la délinquance, même quand ils quittent ce centre. Jean-Marie Mayonga. Nous sommes dans le centre de la zone Mounzenze où sont envoyées les personnes arrêtées dans différents coins du pays. Ces hommes et femmes adultes disent qu'ils viennent de passer plusieurs mois sans activité alors qu'ils avaient des activités à faire qui les faisaient vivre. Ils nous font devenir des fainéants alors que dans nos familles, on exerce des activités génératrices de revenus. Dans ce centre, nous ne faisons rien alors qu'on devrait avoir des activités. Nous avons passé la journée et la nuit sans travailler, sans connaître les raisons de notre présence ici. Nous avons vu les policiers, les arrêter et les emprisonner. J'habitais à Buiza, à la 4e avenue, ils m'ont arrêté sans que je sache quelle faute j'avais commise. Tous demandent la réintégration dans leur famille ou leur donner des activités à faire à l'intérieur de ce centre. Si possible, qu'ils autorisent de retourner chez nous ou nous donner des activités à faire. Ça sera bon. Qu'ils nous trouvent des occupations. Sinon, s'ils avaient prévu des activités pour les gens qui viennent ici, ce sera bien. Banigua Nestor, responsable adjoint de ce centre, précise que ces personnes adultes, après avoir mené des enquêtes, celles qui ont leur famille d'origine sont envoyées dans leur communauté. En arrivant à l'intérieur de ce centre, il y a 5 bâtiments modernes, 3 pour l'habitation des personnes arrêtées dans les rues et une maison destinée à apprendre aux enfants différents métiers et une autre pour les bureaux. On termine ce journal par ce micro-baladeur de la rédaction. Certains habitants de la province de Bubanza apprécient positivement l'engagement du président de la République pour le développement du Burundi. Évariste Ndayishimiye a bouclé ses 5 ans au pouvoir ce 18 juin, depuis qu'il est aux commandes du pays en 2020. Cette population témoigne que ses activités ont prospéré. Cependant, d'autres personnes ne manquent pas de regretter que les prix des produits de première nécessité ne cessent de grimper au jour le jour. Moi, j'apprécie vraiment ce qui a été fait, car là où j'étais avant, ce n'est pas là où je suis maintenant. J'ai progressé. Où nous avons cultivé, nous avons eu une récolte suffisante. Les enfants ont trouvé à manger et nous avons eu des sous pour la bière. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Nous avons progressé un peu. Mais il y a encore les produits de première nécessité qui se revoient toujours à la hausse, ainsi que la condition de vie qui est devenue difficile. Vraiment, on vit dans la pauvreté. Nous avons besoin de terres à cultiver ou avoir un capital pour progresser. Nous vous demandons votre part de contribution. La pauvreté est devenue extrême au sein de la population. Une grande flambée des prix des denrées alimentaires s'observe. C'était un bon souhait que chaque bouche ait à manger et chaque poche ait de l'argent. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas à cause de cette flambée des prix. Le petit citoyen lambda ne peut pas trouver à manger comme il le faut. Franchement, la pauvreté nous fait souffrir. Nous n'avons même pas de terrain où cultiver. Même ceux qui en ont n'ont pas de capital pour investir dans les champs. On ne trouve pas à manger. Même cet argent n'existe pas. Il nous faut beaucoup d'efforts pour chercher. Il arrive qu'on ne trouve rien. On doit rester tranquille avec la faim en attendant que quelque chose change. On ne trouve même personne pour te prêter de l'argent. Les familles souffrent fort. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.